Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Toi, le Dieu qui nous a gardés tout au long de l'année passée, et tu as permis que nous commencions cette année nouvelle 2016, une année de grâce, une année de faveur. Je dis à quelqu'un que la faveur divine et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Oui, le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Même si tu as été désespéré, tu as pleuré pendant longtemps, cette année, le Seigneur va essuyer tes larmes, car toutes choses deviendront nouvelles. Réveille-toi, nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Marc chapitre 8, 1 à 9. Lisons Marc 8, 1 à 9. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Nous allons partager 3 vérités. La première vérité, c'est le caractère de Jésus. Jésus était un homme de compassion, mais c'était aussi un homme qui avait la vision holistique. Jésus, c'est un homme de compassion. Je veux parler à quelqu'un, une vieille. Oui, tu es restée seule, veuve, avec tes enfants. Peut-être que tu n'as pas de quoi te nourrir, mais j'aimerais te dire que Jésus a compassion de ta situation. Toi qui as perdu, oui, tes affaires, on t'a ravi tous les biens, on a pris toutes les maisons que tu avais, que ton mari a laissées, tu es resté les mains vides. Mais j'aimerais te dire que Jésus a compassion de toi, il est capable de te réhabiliter. Il était ému de compassion. Il a compassion de ceux qui souffrent. Toi qui n'as pas pu aujourd'hui célébrer la fête de Nouvel An, oui, avec la famille, peut-être que tu te sens alité, peut-être que tu es dans une prison, peut-être que tu es emprisonné, tu es incarcéré de manière arbitraire. Mais Jésus a compassion de toi. Je vais te parler. Oui, cette prison que tu fais, le Seigneur a permis pour que tu puisses les connaître. Parce que lorsque tu sortiras de la prison, le Seigneur va t'utiliser pour commencer à prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur t'appelle au ministère. Il veut que tu abandonnes l'ancienne vie que tu avais. Il va faire des choses nouvelles dans ta vie. Il est ému de compassion pour ta situation. Il avait la vision holistique. La vision holistique, c'est quoi? C'est le fait de s'occuper de tout l'homme. C'est-à-dire, l'homme, il est quoi? L'homme, il a une triple dimension. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Vous voyez? C'est ça, l'homme. Aujourd'hui, parfois dans l'église, les gens, on se limite seulement à la dimension spirituelle. Ce n'est pas mauvais. Les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu, d'entendre l'évangile, de prier. Mais il y a aussi la partie physique de l'homme, la nourriture. L'homme a besoin de la nourriture, il a besoin du pain. Et vous voyez Jésus, il était conscient de ça. Il y a une foule qui est venue entendre l'évangile. Ils ont fait 3 jours. Ils ont écouté des prédications. Ils ont écouté des enseignements. Mais le corps humain était fatigué. Écoutez ce que Jésus dit au verset 2. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Aujourd'hui, l'Église, nous devons avoir cette vision holistique. Il y a d'autres religions et même des sectes parfois qui dévient nos membres parce que nous, on s'occupe seulement de la dimension spirituelle. On n'aide pas les gens dans leurs problèmes physiques, dans leurs problèmes physiologiques. Quand nous avons la dimension holistique, nous devons savoir aussi apporter des solutions aux problèmes humains des gens. Jésus dit, ils sont là depuis 3 jours, ils entendent la parole, ils écoutent mes enseignements. Mais sur le plan humain, ce sont des gens qui sont là, ils sont en jeûne, je ne peux pas les laisser partir comme ça. Ils ont besoin de manger. Il dit, si je les renvoie à jeûne, les forces leur manqueront. Vous voyez, il y a parfois des gens qui peuvent tomber, ce n'est pas les démons. C'est parce que sur les plans humains, ils n'ont pas mangé. Nous devons être conscients de cela. Quand quelqu'un ne mange pas bien, il ne peut même pas bien prier. Il ne peut même pas bien servir le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est la vision holistique. Et nous devons aussi avoir cette vision holistique. C'est pourquoi nous devons prier pour qu'aujourd'hui, dans nos églises, la pauvreté soit bannie. Et que lorsque réellement le Seigneur nous bénit, nous puissions aussi avoir des projets sociaux, des projets de développement. C'est ce que d'autres religions font. Ils créent des structures, par exemple des hôpitaux, des maternités, des orphelinats. C'est ça la vision holistique, vous voyez. Pour s'occuper de tout l'homme, il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension psychique, il y a aussi la dimension physique ou physiologique. Deuxième vérité, ne nous posons pas souvent les questions sur comment quand nous avons une difficulté. Souvent, il y a des gens qui aiment se poser des comment. Tu cherches le travail et puis tu te dis, mais comment est-ce que j'aurai le travail? Je ne connais pas quelqu'un pour m'introduire dans tel ministère. Comment est-ce que j'aurai le visa? Comment est-ce que je serai guéri? Parce que je ne connais pas quelqu'un, je n'ai pas l'argent. Le Seigneur t'a dit, tu bâtiras une maison, R plus 3. Et toi tu dis, mais comment est-ce que je vais le comment? Le Seigneur n'a pas besoin toujours de tes comment, vous voyez? Les disciples ici, ils étaient confrontés à une situation où il y avait la grande foule. Le verset 4 dit, ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Vous voyez, ils ont oublié la première multiplication. Ils disent, comment? Je vais parler à toi, mon frère. Ne te pose pas de questions sur le comment. Je vais parler à un jeune. Dieu t'a convaincu que tu iras aux États-Unis pour tes études. Mais tes parents n'ont même pas les moyens. Mais le Seigneur ne veut pas que tu te poses les questions sur le comment, la manière dont tu vas arriver, la manière dont tu iras étudier en France là. Ce sera un miracle. Ne te pose pas les questions sur le comment. Sache qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Lorsque les choses sont fermées, il fraye un chemin même dans le désert. Il rend les choses impossibles possibles. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je vais parler à une jeune fille. Écoute-moi bien. Le Seigneur t'a montré que tu vas épouser un homme glorieux. Il t'a montré que tu es dans une grande maison avec une voiture. Peut-être que dans ta famille, personne n'a jamais eu cette voiture-là. Mais ne te pose pas la question sur comment. Même si Dieu a destiné que tu vas épouser un Européen, un Américain, ne te pose pas la question sur comment. Ou dis, je ne connais personne. Dieu lui-même va opérer ses miracles. Et même les membres de ta famille ne vont pas comprendre. Ils sauront qu'il y a un Dieu qui est grand. Cesse de te poser la question sur comment. La manière dont Dieu va résoudre ton problème là. Toi, tu ne peux pas le connaître. Le cas de Joseph, Dieu lui a montré qu'il serait élevé. Mais il ne savait pas comment. Cette élévation devait passer par beaucoup de péripéties. Il fallait qu'il soit vendu par ses frères. Il fallait qu'il se retrouve en prison. Et de la prison, il se retrouve maintenant dans la cour du roi. Donc, les comment là, ça ne te regarde pas. Dieu lui-même va déployer sa machine et tu verras que ce qu'il t'a promis s'accomplira. Troisième vérité, exploitons notre potentiel. Pendant que les disciples se posent la question sur le comment, Jésus pose une autre question. Combien avez-vous? Combien avez-vous, ça veut dire, vous avez quelque chose à partir de laquelle moi je vais opérer les miracles. Au lieu de poser la question sur comment, Dieu dit, combien tu as, mon ami? Ne néglige pas. Tu dis, moi, je n'ai qu'un peu d'argent, je n'ai rien. À partir de ça, là, le Seigneur va opérer les miracles. À partir de 7 pains, il n'avait que 7 pains. Jésus dit, il faut apporter les 7 pains-là. C'est à partir de ça. Ils avaient 7 pains et quelques poissons. Ça, c'est le potentiel. Nous avons chacun de nous un potentiel. Un potentiel en termes de talent, en termes de dons, en termes d'argent. Le peu que toi, tu méprises là, c'est un potentiel que tu dois exploiter pour accomplir de grandes choses. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu as un potentiel. Tu as un talent que tu n'exploites pas. J'aimerais te dire que tu seras un grand chef d'entreprise. Cette année, exploite un potentiel. Et tu verras que tu vas commencer une grande entreprise qui va embaucher plusieurs jeunes. On t'appellera les boss. On t'appellera des noms nouveaux. Je vais parler à une femme. Tu sais préparer la loco. Tu sais préparer du riz. Écoute-moi bien. Cette année, tu dois démarrer un restaurant. Et on parlera de ton restaurant. Tu vas embaucher les gens. Les petites choses peuvent devenir des grandes choses. Exploite ces potentiels. Et tu verras de grandes choses s'accomplir. Est-ce que tu comprends cela? Je veux parler à quelqu'un. Tu as déjà un terrain que tu as. Est-ce que tu sais que sur ce terrain-là, tu bâtiras une grande maison, un grand édifice? Commence déjà avec le peu que tu as. Commence déjà à faire des briques, à viabiliser. Quand tu vas commencer, le Seigneur va faire le reste. Exploite déjà les potentiels que tu as. Est-ce que tu comprends? Que le nom du Seigneur soit béni. Quand les disciples ont compris qu'ils ont donné les 7 pains et les quelques poissons, Jésus a multiplié les pains. Et les miracles s'est produit pour nourrir une foule d'environ 4000 personnes. Et la Bible nous dit au verset 8, « Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. » Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons glorifier ce Dieu des miracles. Nous allons chanter ce cantique. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que les cieux rêvaient, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa femme, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car j'ai volé prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Oh, l'ombre de ta main suit mon chemin. Viens rassurer mes lendemains. Je trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errants. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Ouh, oh, ouh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, qu'ainsi qu'à mes errants. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Ouh, oh, ouh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Gloire à Dieu, il est le Dieu des miracles, il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui opère des miracles. Cette année, ce sera une année spéciale de miracles pour toi. Nous allons le glorifier. Élève ta voix. Amen. Notre émission, c'est OSB, Opération sur la brèche. Notre texte, c'est Marc 8, 1 à 9. Nous venons de voir que Jésus est un homme de compassion, un homme qui avait la vision holistique. Cette année, tu vas prier pour que Dieu te donne aussi cette compassion, que Dieu te donne cette vision holistique. Oui, savoir que le Seigneur va te bénir sur le plan spirituel, mais il va te bénir aussi sur le plan matériel, sur le plan humain. Je vais parler à un homme de Dieu. Tu es pasteur, ça fait longtemps, mais tu es un pasteur d'une tradition où les missionnaires t'ont montré comme si avoir l'argent, avoir les maisons, c'est un péché. Il faut que tu changes ta vision des choses. Aie maintenant cette vision holistique. Parce que c'est ta manière de voir les choses qui a bloqué ta vie, qui a fait qu'aujourd'hui tes enfants ne veulent même plus aller à l'église. Change de vision et tu verras que cette année, le Seigneur va débloquer les finances. Il va te bénir comme jamais tu n'as vu dans ton ministère. Aie cette vision holistique. Apprends à prier pour que Dieu te donne aussi les avoirs. Tu as besoin d'une maison. Tu as besoin d'une voiture. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin de commencer à entreprendre. Laisse ta femme commencer son commerce et tu verras la gloire de Dieu. Prions pour que Dieu nous donne cette vision holistique cette année au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérons. Opération Très excellent Père, Dieu de gloire, c'est une grâce et un privilège spécial d'invoquer ton nom ce matin, en ce premier jour de la nouvelle année. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu as réalisé dans notre vie de grandes choses. Nous prions au Père éternel et nous demandons que cette grâce nous accompagne tout au long de cette année. C'est un privilège et une grâce au Père éternel. Nous prions ce matin et nous demandons que tu nous accordes en tant que servante et serviteur, que tu nous accordes de la compassion au Père éternel. Donne-nous cette vision holistique, cette vision globale de toutes les bénédictions spirituel et matériel que tu as prévu pour nous, que tu as mis à notre disposition. Nous prions au Père éternel pour une nouvelle vision des choses. Ouvre-nous de nouvelles portes. Nous prions pour le déblocage de nos finances tout au long de cette année. Nous prions pour une excellente santé. Nous prions pour une grâce dans l'exercice de notre ministère. Nous demandons au Père éternel que tu nous donnes également des avoirs, que tu nous permettre, Père éternel, d'acquérir tout ce qui est nécessaire pour l'épanouissement de nos familles et contribuer efficacement à l'avancement de ton œuvre. Nous prions au Père éternel contre tout blocage, contre tout obstacle, contre tout sabotage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel parce que tu veilles sur chacun de tes enfants. Merci Père éternel parce que tu accompagnes tes enfants. Merci Père éternel pour ces bénédictions spéciales que tu as prévues pour nous tout au long de l'année. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Ne nous posons pas des questions sur le comment. Dieu est capable d'opérer les miracles. Peut-être que tu as une situation qui est difficile. Humainement parlant, tu te dis, ah, comment est-ce que ça va s'effacer? Comment est-ce que ça sera débloqué? Dieu dit, ne te pose pas la question sur le comment. Crois qu'il est capable d'opérer le miracle. Prie le Seigneur. Demande pardon sur ton incrédulité, les comment là. Dis Seigneur, j'abandonne le comment. Toi-même, tu sais, je crois que tu es capable de débloquer, d'opérer un miracle. Prie le Seigneur. Nous te bénissons ce matin, Dieu créateur des cieux et de la terre, Dieu vivant, Dieu fidèle, qui n'est jamais venu en retard, qui n'est jamais en avance, qui nous aime d'un amour éternel. Sois béni ce matin, parce que tu nous dis dans ta parole, dans Habacuc chapitre 2, à partir du verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Le comment appartient à Dieu. Le quand appartient à Dieu. Le où appartient à Dieu. C'est que je sais, c'est que nous savons que Dieu agit toujours. Nous te bénissons parce que ma sœur va se marier. Louange à toi. Parce que ce couple qui attend un enfant, cet enfant va naître au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. Louange à toi. Parce que la prophétie est déjà lancée. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Mon voyage va se réaliser. Ma guérison va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ. J'ai fini mon stage. On va me rappeler. Et je vais commencer à travailler. Je serai engagé. Le mariage ne tardera plus. Au nom de Jésus-Christ, sois béni ce matin. Dieu fidèle, Dieu d'amour, Dieu de compassion, au nom de Jésus. Amen. Amen. Exploitons notre potentiel. Le peu que toi tu sembles négliger, ton don, ton talent, ton argent, présente-le au Seigneur. Dis, Seigneur, cette année, moi je crois qu'à partir de ce que j'ai, je vais poser les premiers pas et je vais croire que tu es capable d'opérer les miracles. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus et tu vas saisir ton miracle maintenant cette année au nom de Jésus. Nous élevons le Dieu véritable, le Dieu de miracles, le Dieu des merveilles, le Dieu des signes, le Dieu des présages, le Dieu des prodiges. Il n'a point changé, il est le même. Il est capable de le faire encore de nos jours et il le fait. Ce matin, je proclame dans le ministère de cet homme de Dieu qu'il y a restauration de miracles, des signes au nom de Jésus-Christ. L'onction est donnée aux serviteurs de Dieu pour que les miracles accompagnent son ministère. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Merci Père, parce que tes fils et tes filles qui te servent croient en ton nom. Et les miracles les accompagnent dans leur ministère. Et ceux qui croient aussi, Père, oui, eux aussi, les miracles les accompagnent. Les miracles de guérison, les miracles des affaires, les miracles dans l'enfantement, les miracles dans le travail, les miracles dans la résurrection de foyer, la compréhension, l'entente, les miracles dans la sagesse, l'intelligence, le savoir, le zèle des enfants, l'engagement spirituel des enfants et de ce couple. Père, merci pour ces différents miracles qui appellent une multitude à la conversion. Car il est écrit dans le livre de Actes 9, quand Pierre a guéri et né, la Bible dit que toute la vie de Jopé, oui, vénère et crure. Père, merci parce que par les miracles, beaucoup viennent à toi et les miracles sont possibles au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année. Mais je vais rappeler que nous avons notre rencontre ce dimanche. Bonheur conjugal. Première rencontre pour les célibataires. C'est en ce début d'année que tu viens saisir ton mariage. Lève-toi pour entrer en possession de ton mariage au CPE à partir de 17h. Nous allons passer un temps spécial de prière. Ne manque pas parce qu'en ce début d'année, Dieu te réserve quelque chose de spécial. Que Dieu te bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.